Section 1 de la lecture, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 3e. Section 1. Une scène de collège. Par Paul Hervieux. Chapitre 1. Son compte, je le lui réglerai. Pendant une récréation de midi, avant les congés de Noël. Qui des deux avait le premier proféré cette menace? Était-ce Grutch, qui s'était ainsi exprimé à l'égard de Bonchon? Ou bien Bonchon, à l'égard de Grutch? Le propos, d'ailleurs, fut-il seulement tenu à l'origine, par celui-ci ou par celui-là? Quel témoin en aurait-on pu citer? À coup sûr, aucun des élèves les plus notoirement connus au collège de Boulogne, pour ne rêver que plaie et bosse, et toujours rôder à l'affût des querelles qui prenaient l'essor. Aucun, ni l'intraitable coterie des frères Bléant 1, Bléant 2 et Bléant 3 de la rue Neuve-Chaussée, ni le gros nègre Jean d'Haïti qui gloussait plutôt qu'il ne parlait à travers l'obliquité de ses dents et qui mendiait sans cesse leur bout de sucre d'ose à ses camarades. Ni le fils du médecin de Dèvres, qu'on appelait Petit Roux à cause de ses cheveux, ni le petit Irlandais, Osquille, à tête de mort, rageur jusqu'à se jeter en des crises d'épilepsie, ni même Lazareff, ou plus simplement Azor, le juif polonais de 19 ans, dont le correspondant refusait d'acquitter les frais d'entretien et que l'administration gardait en gage, bien qu'Azor fumât partout au dortoir et dans certains endroits de solitude spéciale, et encore en pleine étude, une fois, derrière son pupitre levé, à la barbe du père Chose, machin. Un fichu nom aussi, ce professeur-là. Du moins, l'annonce de ce défi, dont personne ne se prétendait le héros régulier, se propagea parmi toutes les classes avec une extraordinaire célérité. Entre les quatre murs des diverses salles où les répliques scolaires avaient seules le droit de retentir, à la suite des interrogations des maîtres, la nouvelle toute chaude fit éclore 1000 chuchotements qui remplacèrent avec une impudence égale, le bourdonnement des mouches, tuées depuis longtemps par les rigueurs de la saison. Dans les locaux du moyen collège, notamment, l'émoi prit une proportion de véritable délire. Il en résulta, çà et là, plusieurs pensums généraux et des privations de sortie en nombre inaccoutumé. Fin de la section 1, lue par Margot.